grand-père avait du sang, indien dans les artères, grand-père avait du temps à perdre à ne rien faire. Ma mère avait un corps plus ferme que l'acier. Mon père avait un corps, mais lui c'était aux pieds. Aïe aïe aïe aïe, aïe aïe aïe aïe. Mais moi je suis née sous un cactus, aux environs de Columbus. Qui c'est qui porte un grand chapeau avec des chemises à carreaux? C'est moi, la belle de l'Ohio. Qui c'est qui dans les rodéos fait retentir tous les bravos? C'est moi, la belle de l'Ohio. On m'aime mieux que Mae West, même mieux qu'Annie du Far West. Qui c'est que l'on a dans la peau et qui rend les cowboys dingos? C'est moi, la belle de l'Ohio. La belle de Cadix, pour faire ses conquêtes, la belle de Cadix avait ses castagnettes. La belle de New York, dans une autre opérette, la belle de New York faisait voir ses gambettes. Mais pour trouver des gigolos, moi j'ai un truc plus rigolo. Qui c'est qui porte un grand chapeau avec des chemises à carreaux? C'est moi, la belle de l'Ohio. Qui c'est qui part au grand galop et qui prend les hommes au lasso? C'est moi, la belle de l'Ohio. Tous ceux qui marchent de travers, moi je les dresse au revolver. Qui c'est qui fait un petit veau d'un malabar, d'un vrai taureau? C'est moi, la belle de l'Ohio. Hey ho, hey ho, avec mes revolvers et mon lasso. Hey ho, hey ho, je fais mettre à genoux les plus costauds de tout.